Bonjour à tous, très chers auditeurs, et bienvenue sur Radio Gémozo, pour l'instant santé et bien-être avec les secrets de Mathilde, naturopathe. En ce moment, sur ma table de chevet se trouve un livre. C'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, un enseignant spirituel qui a connu une transformation intérieure qui a radicalement modifié le cours de sa vie. J'ai décidé aujourd'hui de vous lire un extrait de ce livre qui peut vous éclaircir sur ce que signifie le lâcher-prise. Aussi difficile que cela puisse paraître, le lâcher-prise est simplement d'accepter le moment présent. Pour certaines personnes, ce terme peut avoir des connotations négatives. Il peut vouloir dire défaite, renoncement, incapacité d'être à la hauteur des défis de la vie. Cependant, le véritable détachement est quelque chose d'entièrement différent. Cela ne signifie pas endurer passivement une situation dans laquelle vous vous trouvez, sans tenter quoi que ce soit pour l'améliorer. Et cela ne signifie pas non plus que vous devez cesser d'établir des plans pour transformer votre vie ou de poser des gestes positifs. Le lâcher-prise est la simple mais profonde sagesse qui nous porte à laisser couler le courant de la vie plutôt que d'y résister. Et le seul moment où vous pouvez sentir ce courant, c'est dans l'instant présent. Par conséquent, lâcher prise, c'est accepter le moment présent inconditionnellement et sans réserve. C'est renoncer à la résistance intérieure qui s'oppose à ce qui est. Résister intérieurement, c'est dire non à ce qui est, par le jugement de l'esprit et la négativité émotionnelle. Cette résistance s'accentue particulièrement quand les choses vont mal, montrant par là qu'il y a un décalage entre les exigences ou les attentes rigides du mental et ce qui est. Ce décalage est celui de la souffrance. Si vous avez vécu suffisamment longtemps, vous saurez que les choses vont mal relativement souvent. Et c'est précisément dans ces moments-là qu'il faut mettre en pratique le lâcher-prise si vous voulez éliminer la souffrance et le chagrin de votre vie. Quand vous acceptez ce qui est, vous êtes instantanément libéré de l'identification mentale et vous reprenez par conséquent contact avec l'être. La résistance, c'est le mental. Le lâcher-prise est un phénomène purement intérieur. Cela ne veut pas dire que sur le plan concret de la dimension extérieure, vous ne passiez pas à l'action pour changer telle ou telle situation. En fait, quand vous lâchez prise, ce n'est pas la situation dans sa globalité que vous devez accepter, mais juste ce minuscule segment appelé l'instant présent. Par exemple, si vous étiez pris dans la boue quelque part, vous ne diriez pas « Ok, je me résigne au fait d'être pris dans la boue ». La résignation n'a rien à voir avec le lâcher prise. Il n'est pas nécessaire que vous acceptiez une situation indésirable ou désagréable. Il n'est pas nécessaire non plus que vous vous racontiez des histoires en vous disant qu'il n'y a rien de mal à être pris dans la boue. Au contraire, vous reconnaissez alors totalement que vous voulez vous en sortir. Puis, vous ramenez votre attention sur le moment présent, sans mentalement l'étiqueter d'une façon ou d'une autre. En somme, vous ne portez aucun jugement sur le présent. Vous acceptez le moment tel qu'il est. Puis vous passez à l'action et faites tout ce qui est dans votre pouvoir pour vous sortir de la boue. C'est ce qu'on appelle une action positive. Continuez à mettre en pratique le lâcher-prise en vous retenant d'étiqueter le présent, et ce jusqu'à l'obtention du résultat voulu. Imaginez, vous marchez le long d'un sentier la nuit, entouré d'un épais brouillard. Toutefois, vous disposez d'une puissante lampe torche électrique, qui fend ce brouillard et trace devant vous un passage étroit mais dégagé. Disons que ce brouillard représente vos conditions de vie du passé et de l'avenir, et que la torche électrique symbolise la présence consciente, le passage dégagé, donc le présent. Le fait de ne pas lâcher prise endurcit la forme psychologique, la carapace de l'ego, et crée un fort sens de dissociation. Vous percevez le monde autour de vous et les gens en particulier comme une menace. Ceci s'accompagne de la compulsion inconsciente de détruire les autres par le jugement, ainsi que du besoin de rivaliser et de dominer. Même la nature devient votre ennemi et c'est la peur qui gouverne vos perceptions et vos interprétations. La maladie mentale, que l'on appelle la paranoïa, n'est qu'une forme légèrement plus aiguë de cet état normal, mais dysfonctionnel, de conscience. Ce n'est pas seulement votre forme psychologique qui s'endurcit, mais également votre corps physique, qui devient dur et rigide en raison de la résistance. De la tension se crée dans diverses parties du corps et celui-ci tout entier se contracte. La libre circulation de l'énergie dans le corps, essentielle à un fonctionnement sain, est grandement restreinte. Le massage et certaines formes de physiothérapie peuvent certes aider à restituer cette circulation, mais à moins que vous ne fassiez du lâcher-prise en pratique quotidienne, ces choses ne peuvent vous procurer qu'un soulagement temporaire des symptômes puisque la cause, c'est-à-dire le comportement de résistance, n'a pas été résolue. En vous existe quelque chose qui n'est pas affecté par les circonstances changeantes de votre vie, et vous ne pouvez y avoir accès que par le lâcher-prise. Ce quelque chose, c'est votre vie, votre être, qui se trouve éternellement dans le royaume intemporel du présent. Si vous estimez que les circonstances de votre vie sont insatisfaisantes ou même intolérables, le lâcher-prise est parfaitement compatible avec le passage à l'action. Mais dans l'état de lâcher-prise, le faire est mu par une qualité autre, une énergie totalement différente qui vous remet en contact avec l'énergie première de l'être. Et si ce que vous faites en est imprégné, cela devient une célébration joyeuse de l'énergie vitale qui vous ramène encore plus profondément dans le présent. Quand il y a absence de résistance, la qualité de la conscience chez vous, et par conséquent la qualité de tout ce que vous entreprenez et créez, est grandement augmentée. Les résultats viendront d'eux-mêmes et reflèteront cette qualité. On pourrait appeler cela l'action par le lâcher-prise. Cela ne ressemble pas au travail tel que nous le connaissons depuis des milliers d'années. À mesure que davantage d'êtres humains connaîtront l'éveil, le mot « travail » disparaîtra de notre vocabulaire et un nouveau terme sera peut-être créé pour le remplacer. C'est la qualité de la conscience chez vous, à cet instant même, qui est le principal agent déterminant du genre d'avenir que vous connaîtrez. Lâcher prise est donc la chose la plus importante que vous puissiez faire pour amener un changement positif. Tout geste que vous posez par la suite n'est que secondaire. Aucune action véritablement positive ne peut provenir d'un état de conscience qui n'est pas fondé sur le lâcher-prise. Quand vous êtes dans un état de lâcher-prise, vous voyez clairement ce qui doit être fait et vous passez à l'action. Vous vous concentrez sur une seule chose à la fois pour ensuite bien l'accomplir. Tirez des leçons de la nature. Observez de quelle manière tout s'accomplit et comment le miracle de la vie se déroule sans insatisfaction ni tourment. Si votre situation globale est insatisfaisante ou déplaisante, reconnaissez d'abord l'instant présent et lâchez prise face à ce qui est. C'est la torche électrique qui fend le brouillard. Votre état de conscience cesse alors d'être contrôlé par les circonstances extérieures. Ensuite, envisagez la situation en détail et demandez-vous « Est-ce que je peux faire quelque chose pour changer la situation ou l'améliorer, ou pour m'en dégager ?» Dans l'affirmation positive, posez le geste approprié. Ne concentrez pas votre attention sur les mille et une choses que vous ferez ou peut-être que vous aurez à effectuer au moment donné, mais plutôt sur la chose que vous pouvez faire maintenant. Ceci ne veut pas dire que vous ne devriez pas planifier. C'est peut-être justement la chose à faire. Assurez-vous cependant de ne pas commencer à vous passer mentalement des films, à vous projeter dans le futur. Cela vous ferait perdre le contact avec le présent. Peu importe le geste que vous posez, il ne portera peut-être pas de fruits immédiatement. Ne résistez pas à ce qui est, jusqu'à ce que cela se produise. Si vous ne pouvez poser aucun geste ni vous soustraire à la situation, utilisez celle-ci pour lâcher prise encore plus profondément, pour être encore plus intensément dans le présent, dans l'être. Quand vous pénétrez dans la dimension intemporelle du présent, le changement arrive souvent d'étranges façons, sans que vous ayez besoin de faire vous-même grand-chose. La vie elle-même se met de la partie. Si des facteurs intérieurs comme la peur, la culpabilité ou l'inertie vous empêchaient jusque-là de passer à l'action, ils se dissiperont à la lumière de votre présence consciente. Et si vous mettiez en pratique le pouvoir du moment présent dans votre vie? Si cet extrait vous a parlé, je vous invite à vous procurer ce livre d'Eckhart Tolle que vous pouvez lire facilement et l'ouvrir à n'importe quelle page quand vous en sentirez le besoin. La chronique touche à sa fin, j'en profite donc pour vous glisser une petite note d'information. Samedi prochain, le 11 mai à 15h, je propose un atelier à la Manufacture Bio de Saint-Nabor. Un atelier de fabrication de ghee, ou beurre clarifié. Si cela vous intéresse, je vous invite à me contacter via ma page Facebook Les Secrets de Mathilde. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et vous dis à vendredi prochain sur Radio Gémozo.